Chapitre 5. Les années passèrent. Une transformation complète s'était opérée dans le caractère de Georges Villiers. Son insouciance encore enfantine avait fait place à la passion d'apprendre. Encore, pendant quelque temps, Van Gogh s'était montré défiant, puis peu à peu, il avait mieux apprécié celui qui ne demandait plus qu'à être son élève. Mais il était un point sur lequel, sans bien s'en rendre compte, le maître et l'élève n'étaient pas en parfait accord. Pour Van Gogh, évadé de la société humaine, toutes les théories se limitaient quant à leur application au très petit groupe au milieu duquel il vivait. Tout entier à ses spéculations, il rêvait de créer, de par cette souche d'anthropoïdes, une race nouvelle qui peu à peu évoluait jusqu'à la complète cérébralité, prendrait possession de la Terre et s'y établirait en réalisant le rêve utopique de la société équitable et justement équilibrée, où tous ces hommes nouveaux, enfants directs de la nature, ignoreraient les dissensions et les compétitions sociales, où nul ne dominerait, où nul ne songerait à s'enrichir, et où régnerait seulement la solidarité universelle dans son expression la plus complète et la plus pure. Georges, l'écoutant, avait saisi toute la grandeur, toute la beauté de ces théories dont la réalisation, disait Van Gogh, serait facilitée par l'emploi des substances par lui découvertes et dont la puissance défierait toute résistance. Si bien, objectait le jeune homme, que pour donner corps à votre rêve, il faudra d'abord détruire la race humaine, anéantir tous les mouvements de ces civilisations. Pourquoi non ? Répliqua le vieil utopiste. Nos âpes n'auront-ils pas bientôt repeuplé la terre ? Et s'ils ne construisent pas de monuments, du moins dans leurs colonies de huttes et de champs, nul ne sera plus exposé à mourir de faim. Et pour cette œuvre de bonté, vous n'hésiteriez pas, s'il vous en était donné le pouvoir, à anéantir des millions d'êtres humains ? Pour que l'humanité recommence, certes. La mesure me paraît quelque peu radicale, objectait Georges en riant. Mais passons à un autre ordre d'idées. N'avez-vous pas remarqué, cher maître, que cette race sur laquelle vous comptez vous régénérer, le monde semble décliner tous les jours ? Ne dirait-on pas qu'une sorte d'épidémie s'abat sur elle ? La mort fait chaque jour des vides parmi nous. C'était vrai. La tribu des apes diminuait sans cesse. Les enfants ne grandissaient plus et leurs mères hurlaient sur leurs cadavres. Les mâles maigrissaient jusqu'à l'étisie, et on les voyait s'asseoir tristement au bord des précipices et regarder dans le vide, comme si le gouffre les attirait. Même quelques-uns s'étaient laissés entraîner par ce vertige. Que se passait-il donc ? À quoi attribuer cette subite dégénérescence ? Était-ce, comme Van Gogh l'avait murmuré à l'oreille de Georges, la présence de l'homme qui, par on ne sait quel phénomène mystérieux, souillait, empoisonnait en quelque sorte l'air vital et le rendait impropre à l'existence de ces créatures inférieures ? Toro lui-même vieillissait. Son torse énorme se pliait. Non que sa force eût diminué, non que son agilité fût devenue moins vigoureuse, mais il semblait qu'une pensée qu'il ne pouvait pas formuler pesa sur lui et l'accabla. Georges était devenu un jeune homme. Roi, jugeant sans doute qu'il n'avait plus besoin d'elle, le contemplait maintenant avec un respect craintif. La solitude, si belle cependant de toute l'exubérance de la nature, devenait silencieuse, lourde. Un jour, Toho s'arrêta devant Georges qui, tout joyeux, car la jeunesse lui tenait lieu de toute philosophie, revenait d'une excursion à travers les gorges les plus sauvages. « Va-t'en !» lui dit brusquement le pithèque. « M'en aller, et pourquoi ?»« Parce que tu es un homme. Je ne te quitterai jamais. » L'âpe réfléchit puis reprit. « Explique-moi au juste ce que c'est qu'un homme. » Georges le savait à peine. Depuis de longues années, il vivait de la vie sauvage, à ce point que, sous la longue chevelure, sous sa face encadrée d'une barbe déjà touffue, il avait presque pris l'apparence de ceux au milieu desquels il s'était fixé. Seulement sa peau blanche et lisse restait un caractère indélébile. Cependant, il essayait de plaider auprès de Toho la cause de sa race. Mais à tous ses souvenirs d'enfance se mêlaient des scènes de violence et de carnage. Tout petit, il avait été traqué par sa mère et sa sœur comme une bête sauvage. Puis, encore une fois, les hommes avaient voulu l'égorger, lui et tous ceux qui lui étaient chers. « Homme cruel !» répétait Toho. « Non, non, pas tous. Mon père était vaillant et doux. Ma mère apparaît dans ma mémoire comme un ange de grâce et de bonté. Tu m'as dit que les hommes les ont tués. C'est vrai. » Et peu à peu, dans l'âme de Georges, la terreur, la haine de l'homme s'implantait. Comme Van Gogh, comme Toho, il en était arrivé à redouter l'invasion de Laplande par cette race dangereuse. Bangkok lui disait sans cesse « Tuez l'or, partout où vous le trouverez, car il est l'amorce qui attire les hommes, c'est lui qui les appelle, et pour le conquérir, il ne recule devant aucune violence, devant aucun crime. » Maintenant, le meurtre de l'or était devenu chez Toho une idée fixe. Dans ce cerveau fruste, et incapable de combattre une pensée par une autre, l'instinct de la conservation était tout-puissant. Sans cesse, il errait autour du domaine que la nature avait assigné à ses congénères et qui, chaque jour, devenait trop large pour les suivants. Il guettait l'or, le devinait, le sentait, et armé de la baguette de Fabium, il détruisait les moindres parcelles qu'il rencontrait. Georges avait fini par s'intéresser à cette chasse, d'autant qu'elle les entraînait tous deux à des distances parfois considérables de leur hutte, et que c'était bonheur pour le jeune homme de se livrer à ses sports de fatigue et d'agilité. Et voici qu'un jour, comme Georges s'était aventuré sur la cime d'un pic qui dominait une plaine ardue, il se dressa surpris et à grands gestes appela Toho, qui, penché vers le sol, cherchait à reconnaître les traces bien connues qui décelaient la présence de l'or. L'appel du jeune homme était si pressant que le pithèque crut à un danger immédiat. D'un bond prodigieux, il se laissa tomber auprès du jeune homme, prêt à le défendre, et regarda dans la direction que celui-ci lui indiquait. Des silhouettes se profilaient, suivant un sentier à peine tracé à travers les épais buissons. Des hommes, c'étaient des hommes. Ils marchaient en file indienne, ayant avec eux des chevaux de bât qui portaient des tentes, des ustensiles, des outils. « Oh, eux !» gronda Toho en brandissant son poing énorme. Georges était resté immobile, pensif, attristé. Il ne pouvait pas s'y méprendre. C'étaient bien ceux de sa race qui hardiment s'aventuraient dans ces solitudes, et pour les mieux voir, pris d'une angoisse dont il ne pouvait s'expliquer la nature, faite à la fois de crainte et de je ne sais quelle involontaire attraction, Georges s'avança sur la crête du rocher, regardait de tous ses yeux. Les hommes, car ils ne s'étaient pas mépris, et c'était bien à la race redoutée qu'appartenaient ces inconnus, semblaient indécis, marchaient comme au hasard, arrêtés d'ailleurs à chaque pas par les lianes inextricables qui s'enchevêtraient, et opposaient à leur marche une barrière presque infranchissable. Malgré lui, Georges se penchait de plus en plus, obéissant à une aimantation qui était irrésistible. Des hommes. C'était à cette famille d'êtres qu'il appartenait. Et soudain lui revenaient des souvenirs attendris. Non, non, les hommes n'étaient pas tous méchants, car dans les temps lointains de son enfance, il avait été aimé, choyé, caressé. N'appartenait-il pas à la race des hommes, le père si doux qui autrefois le tenait dans ses bras, qui le promenait, juché sur ses larges épaules? N'était-ce pas une femme que Louisa Villiers, sa mère, dont la complaisance jamais ne s'était démentie, qui s'était sacrifiée au bonheur, à la sécurité de ses enfants? N'était-ce pas enfin une petite, toute petite femme que Margaret, sa sœur aimée, dont il s'était fait le protecteur et qui riait de si bon cœur à ses gaietés de gamin? Et aussi, il revoyait la case, sur les bords du grand fleuve, où si longtemps des hommes et des femmes qui n'étaient pas tout à fait semblables aux Européens, mais qui étaient bons, eux aussi, les traitaient comme s'ils eussent été de leur race. Non, non, les hommes n'étaient pas tous des monstres de cruauté. Georges, à la vue de ces inconnus qui venaient, sentait son cœur battre plus fort, des larmes monter à ses yeux. Et soudain, tandis que Toho, qui ne pouvait deviner cette émotion, dardait sur la petite troupe ses regards à la fois inquiets et haineux, voici que Georges, sans réfléchir, sans savoir pourquoi il agissait, comme saisi par une main invisible qui l'attirait en avant, se jeta à corps perdu sur la déclivité de la roche, s'accrochant à une anfractuosité, saisissant une racine jaillie entre deux pierres, sans souci du péril d'une chute effroyable. Toho vit cela, crut d'abord à un accident. Le pied lui avait manqué, il allait se buter le crâne sur le sol. Et le bon pithèque, mu par ce sentiment de paternité qui s'était imposé à lui, se jeta à son tour, plus agile encore, plus téméraire, franchissant des distances que Georges arrivait à peine à atteindre. Mais le jeune homme avait une forte avance. Il toucha terre le premier, et là se mit à courir de toutes ses forces dans la direction des inconnus. Toho, d'un bond énorme, était venu rouler sur la terre, était resté un instant étourdi. Mais bien vite, se redressant, retrouvant toute son énergie, s'était élancé sur les traces de Georges. Pourquoi cette fuite? Pourquoi cette course, Toho ne comprenait pas. Il appelait de toutes ses forces, lançant à plein poumon le nom qu'il avait donné à Georges, « Jo, Jo !» Mais lui n'entendait pas, ne voulait pas entendre. L'attraction à laquelle il obéissait était si irrésistible que nulle puissance au monde ne pouvait l'arrêter. Il allait, il allait. Toho parvint à le devancer et, se ruant sur son passage, voulut le saisir par le bras. Il l'atteignit, le toucha, mais il avait si grand peur de lui faire du mal. La pression ne fut pas assez forte. Georges, dont la surexcitation nerveuse décuplait les forces, se dégagea et encore s'enfuit plus vite. Aussi, ils arrivèrent, l'un poursuivant l'autre, sur une large dalle de pierre qui surplombait la route où les hommes passaient. Encore un effort et Georges touchait à son but. Déjà, il criait, il appelait. Toho avait bondi auprès de lui, résolu, par instinct de défense, à employer cette fois toute sa vigueur, d'utile, pour ce qu'il considérait comme le salut commun, faire acte de brutalité. À ce moment, tous deux se dressaient, en silhouette très visible, sur l'aspect du ciel. On entendit d'autres cris. C'étaient les hommes qui les poussaient, répondant aux appels de Georges par des clameurs de mort. Ils les avaient vus. Ils s'arrêtèrent, des armes furent braquées, et une explosion crépitante se fit entendre. Georges, atteint, tomba. Toho avait déjà entendu là-bas, auprès du craton malais, ces bruits qui ressemblaient à celui du tonnerre. Les hommes, ayant vu tomber un des êtres contre lesquels ils avaient dirigé leurs fusils, se mirent à courir pour les atteindre, pour les cerner, pour les achever. Toho, de ses bras convulsés, arracha un quartier de roche et le lança. Il y eut des blasphèmes, et deux hommes restèrent étendus. Une nouvelle salve retentit. Les balles sifflèrent aux oreilles de Toho. Il se secoua, grinça des dents, brandit vers les ennemis son poing de géant. Encore on tira sur lui. Une balle le toucha à l'épaule, ne put pénétrer le cuir de sa peau épaisse, mais le fit chanceler. Alors il eut peur, oui, peur. Oui, c'était bien des hommes. Il les reconnaissait bien maintenant, ces traits de férocité et d'injustice. Car dans cette conscience obscure, il y avait ce sentiment qu'il n'avait attaqué personne et qu'il était mal de les vouloir blesser ou tuer. Et Georges tomberait aux mains de ces monstres. Il rassembla toute sa vigueur, se baissa, saisit dans ses bras le jeune homme qui gisait sur la terre, avec autour de lui une mare de sang qui allait s'élargissant, et le jucha d'un effort de muscle sur son épaule, comme jadis une fois déjà il l'avait porté tout enfant, et il s'enfuit, droit devant lui. On le poursuivait. Il le savait, il le sentait. On criait derrière lui et des coups de feu craquaient dans l'air. Les explosions multipliées par les parois des précipices avaient des échos sinistres. Les assaillants essayèrent de le gagner de vitesse. On les entendait crier « Tuez, tuez les hommes singes !» Mais Toho ne se laissait pas atteindre. En vérité, il semblait qu'il volât dans l'air. Malgré le poids qui alourdissait ses épaules, il faisait des sauts prodigieux et la distance qui le séparait de ses persécuteurs augmentait à chaque minute. Mais les hommes étaient munis d'armes qui leur donnaient un avantage décisif. « Eh, Ned !» cria une voix. « Toi qui ne rates jamais ton coup, abat le singe !» Sur un des rochers, un homme se dressa, épaula, visa longuement, tira. Mais malgré la rapidité de son mouvement, un fait inattendu se produisit soudain. La roche sur laquelle il se tenait s'écroula tout à coup, comme eût fait un monceau de boue délayé par la pluie. L'homme culbuté disparut, tandis qu'un rempart de débris arrêtait les autres dans leur marche. Par bonheur, Toho se trouvait à ce moment sur une crête séparée par un véritable précipice. L'ébranlement ne vint pas jusqu'à lui. Seulement le bruit avait été si fort que Georges, tiré de sa torpeur, poussa un gémissement douloureux. Épouvanté, Toho se jeta derrière un énorme tronc d'arbre, déposa le jeune homme sur la terre et se pencha anxieusement sur lui. Il vit qu'il portait à la tête une blessure dont le sang coulait en abondance. Le pithèque eut comme un sanglot. « Mort ? Mort ? » cria-t-il dans son langage. « Moi, mort aussi. « Allons, pas de sottises !» lui répondit une voix. « On ne meurt que quand on le veut. Le gamin en reviendra. Et je lui dirai alors qu'il n'a eu que ce qu'il mérite. « Ah, il aime les hommes ? Ils le lui rendent bien, n'est-ce pas ? Allons, Toho, à la hutte, et plus vite que ça. Tout de même, je me défiais, et j'ai bien fait de vous suivre. La chance a voulu que j'arrivasse à temps. Et mon brave Fabium a encore une fois fait merveille. » Et Van Cock, d'une baguette qu'il tenait à la main, frappa doucement les reins de Toro en lui disant « En route, prends le plus court. Moi, je serai arrivé aussitôt que vous. » Et il ajouta en aparté « Tout de même, je crois bien que c'est le dernier exploit du centenaire. »